si j'avais une limousine, une Lincoln Continental, il y aurait un jacuzzi, des filles à poil dans le bocal, mais j'aurais pas de limousine, au mieux une Fiat Cinquecento. Pourtant j'habite pas l'Italie, mon prénom à moi n'est pas Francesco. Continental, il y aurait un jacuzzi, des filles à poil dans le bocal, mais j'aurais pas de limousine, au mieux une Fiat Cinquecento. Pourtant j'habite pas l'Italie, mon prénom à moi c'est pas Lorenzo. Fuck on, man.